Quand je suis rendu, là, que je compare Mme Marois presque au capitaine Haddock à cause des colères qu'elle fait, hein? 1 000 millions de sabords! Après avoir complété ses études, il est parti travailler à l'étranger, mais il n'aura pas remboursé sa formation puisqu'il est avec nous ce soir. Voici votre animateur, Jean-Philippe Beaudier. Merci. Je pense qu'on dit 1 000 milliards de 1 000 sabords. Oui. Il s'est même trompé. Ben, c'est à la dette. Hein, c'est... Ah, ben c'est ça. C'est hey, bonsoir tout le monde. Il est à peine 19h, la soirée est encore jeune. Ce qui va nous donner amplement le temps de réfléchir une dernière fois avant d'aller voter mardi prochain. Fred Savard, bonsoir. Bonsoir. J'imagine que vous savez déjà pour qui voter, Fred. En fait, je suis déjà allé voter. Ah oui, oui. Ben, oui. Vous faites partie du 15 % d'électeurs qui ont voté par anticipation. C'est un record. Ouais, ça m'étonne pas. Hein. Je suis allé 4 fois. 2 fois dimanche, 2 fois lundi. 2 fois dimanche, ouais. 2 fois lundi. Ouais. Mon Dieu, vous avez pas pris de chance. Ah non, la 4e fois, j'avoue que je suis allé pour la longue chatte. Ah oui, vous avez voté Parti libéral. Ouais, c'est ça. Il y avait aussi beaucoup, beaucoup d'anticipation pour la rentrée universitaire ou, comme le diraient les policiers, pour leur retour au travail. Et en même temps, c'est pas mauvais. Hein. Ça va donner la chance aux policiers de mettre les pieds dans une université pour la première fois de leur vie, pour plusieurs. Hein. Ah, là, venez pas chialer si vous vides de chansons brisées après l'émission. Là. C'est une petite blague. Là. Puis de toute façon, les policiers, là, ça brise pas des vitres, Fred. Ça pète des gueules. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Et parlant de vite brisé, il y a François Sarkozy Legault qui a traité les étudiants de voyous hier matin. Voyous! Je pense qu'on n'a pas le droit de dire voyous sur les ondes de Radio-Canada. Non. Vous faites un Sylvain La France de vous-même. Ah oui, c'est vrai! Ben, mais c'est pas pareil, là, Fred. On ne peut pas traiter un PDG de voyous, mais des étudiants, il n'y a pas de problème, ouais. Je pense. Là. Hein? Non, quand même? Bah. Bon. Je pense que c'est correct. Je tiens à préciser d'ailleurs que Pierre-Carl Péladeau ne se met pas de masque sur la tête quand il fait de la casse, lui. Hein? À la place, il engage Mario Dumont. Aussi destructeur, mais plus subtil. Ouais, ouais, ouais. Parlant de subtilité, il y a André Pratt qui a finalement pris position dans la presse de ce matin. Hein? Vous l'avez vu? Il invite les électeurs à voter pour la stabilité, donc pour Jean Charest. Hein? Ouais, d'après moi, il a reçu un petit téléphone. Lui, hein? Ben oui, hein? Ben oui, parce que depuis le début de la campagne, on y voyait souvent la CAQ quand il se penchait. Ouais. Hein? Souvent de... ouais, il est comme Jean Lapierre, son jupon dépassait pas mal. Oui. D'ailleurs, parlant de jupon, là, va falloir qu'il fasse attention, André Pratt. Hein? Un jour, il va finir par se noyer avec son jupon. Comme la Maria Arden, c'est très dangereux, ça. Vous l'avez vu, c'est très pesant, un jupon mouillé. Hey, regarde, une petite blague, là. D'ailleurs, on va continuer dans le morbide, d'ailleurs. Là, il y a les deux belles-mères du PQ qui... ça, c'est assez morbide, merci. Qui ont offert un appui de taille à Jean-Martin Hossan cette semaine. Hein? Jacques Parizeau a dit que son appui irait au chef d'Option nationale. Et mercredi, il y a Yves Michaud qui a dit que Hossan avait l'étoffe des gens qui font l'histoire. Je sais pas si... Quand je prononce Jacques Parizeau puis Yves Michaud dans une même phrase, on dirait que j'ai comme un goût de vieille paparman dans la bouche. Paparman rose. Hein? Non, paparman blanche. Pas mal blanche, honnêtement. Et parlant de bonbons sucrés qui goûtent bon, il y a Jacques Duchesneau qui en a donné aux médias en affirmant cette semaine que 3 ministres libéraux avaient mis les pieds sur le bateau de Tony Accurso. Par contre, Jean Charest a nié catégoriquement, fait que je pense que c'est réglé. Ouais, ils ont peut-être pas mis les pieds. Ils ont marché ses mains. Ah, ben. Quand t'as pas le pied marin, il y a toujours une façon de. Voilà. C'est ça. Une chose est sûre, en fait, ça commence à faire pas mal de monde sur le même yacht. Hein. Ouais. D'après moi, c'est un paquebot qu'il y a, le beau. Ouais, un genre de Titanic. Ouais. Faudra qu'il en profite pendant que ça flotte. Ouais, hein. Ouais. Toujours dans le domaine de la fraude, il y a Lance Armstrong qui était à Montréal mercredi dans le cadre du Congrès mondial sur le cancer. Je sais pas si vous avez vu. Oui. Me semble qu'un congrès sur le cancer, là, c'est juste logique que ça se passe dans une ville en phase terminale. Oui. Hein? Oui. Ça... J'imagine que Gérald Tremblay était pas mal excité de rencontrer Lance Armstrong. Ben, je sais pas, parce qu'il était en mission en Israël, mais il a quand même dit qu'il offrait ses plus sincères sympathies à la famille de Lance et qu'il aurait aimé serrer la main d'un homme qui a roulé sur la Lune. Pas trop. Rouler sa lune, là, t'as pas besoin de pousser fort ses pédales. Ça non, c'est ça. Non, mais il est lunatique. Ben, il est un peu mêlé, mais des fois, ouais. Que ça arrive. Ouais. Bon. En tout cas, il y a des hommes politiques qui sont pas mêlés en ce moment, comme par exemple nos deux invités de ce soir. Ouais. On reçoit tout d'abord le candidat péquiste dans Rosemont, Jean-François Lisée, qui, paraît-il, est un homme très, très, très intelligent. Oui. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai lu dans ses livres, en tout cas. Ah oui, OK. On va recevoir... Merci, Fred. On va recevoir également le ministre sortant des Finances et du Revenu, Raymond Bachand. Ouais, hein? Je sais pas s'il a mis ses souliers neufs. Hein? Je sais pas. J'espère qu'il a mis des souliers. La dernière fois, Amir Kadir est venu en sandales, oui. En bas. Oui. Mais en tout cas, Je conseille de faire quand même attention parce qu'en voyant les sondages de ce matin, c'est peut-être sa dernière paire qu'il aura achetée sur le bras de l'État. Hein? Honnêtement. On le saura, mais on va en reparler. On va le parler parce que la soirée est encore jeune. Encore une fois, merci d'être à l'écoute. Olivier Niquette, bonsoir. Bonsoir. Et pour ceux qui préfèrent les internets, on fait comment? Bien, vous pouvez visiter notre site web au radio-canada.ca/lasoirée ou nous suivre sur Twitter, /lasoirée. Mm-hmm. Et d'ailleurs, on va être pas mal actifs pendant la soirée électorale. C'est vrai. N'est-ce pas? Je sais pas, je serai pas là. Ben là. OK, bon. J'ai parfait. Donné votre parole. grosse semaine d'actualité. Ah ouais. Surtout notre dernière avant les élections. Tellement qu'on n'a pas eu le temps de parler du gros vol de sirop d'érable dans le coin de Saint-Louis de Blandford. Non. On parle de plusieurs milliers de tonneaux de sirop d'érable et on cherche toujours le voleur. En tout cas quoi? Ben... Là, vous pensez pas au docteur Barrette toujours? J'ai rien dit. Je trouve ça exagéré un J'ai peu. Rien dit. Regardez. C'était la rentrée télévisuelle ces jours-ci et on avoue que contrairement à Hugo Dumas, on est resté un peu sur notre faim. Hein? Une 35e émission de Marc Labrèche et Anne Dorval ou un show de perruque de Claude Meunier, mettons que bof. Hein? En tout cas, ça nous a donné une idée pour notre top 5 hebdomadaire. Alors voici le palmarès des 5 émissions qu'on aimerait voir sur nos écrans cet automne. En 5e position, le docteur sur les ondes de TVA. Mais ça existe déjà à Radio-Canada avec les 4 médecins. Ah, mais c'est ça, là, tu mets juste le docteur Barrette en même temps à TVA, puis c'est kiff-kiff. Franchement, Fred. En 4e position, PQ Académie. Hey, ça, c'est pas fou, ça, parce que si le PQ perd ses élections, ben Julie Snyder va faire un gros show là, pour trouver le prochain remplaçant de Pauline Marois, en fait. Avec Denise Filiatro, directrice de l'Académie, c'était comme l'avant-première qu'on a vu hier soir. c'est ça ferait un bon show, en tout cas. Ouais. En 3e position, Furieux Bégin. Mais c'est curieux, Bégin, Fred. Non, ça, c'est l'émission d'Esther Bégin avec Stéphane Gendron. C'est vrai. En 2e position, un air de Familia, animé par Jacques Duchesneau. Ah, chaque semaine, il reçoit des membres de la famille libérale pour chanter des airs archi connus. Ouais. Il paraît qu'ils sont pas durs à faire chanter, en plus. Ah, c'est pour... c'est pour rire, là. Est-ce que c'est M. Bachand que j'entends rire au fond? Ah, non. Non, c'est la personne à côté. C'est M. Lisée. Et la première émission qu'on aimerait voir sur nos écrans cet automne, La Une sais-tu, animée par François Rebello à Télé-Québec. Ah, voilà. Ce sera une excellente façon de poursuivre son anonymat. Hein. Ah, c'est donc bien pas fin que Télé-Québec. Franchement, Fred, notre premier invité. Notre premier invité est candidat du Parti québécois dans Rosemont. Après une carrière de conseiller au PQ, de pourfendeur de Robert Bourassa et accessoirement de blogueur à l'actualité, accueillons Jean-François Lisée. Monsieur Lisée. Ben, Monsieur Lisée, là, je me sens un peu mal. Là. En fait, regardez, prenez mon siège tout de suite. Je sais que vous allez prendre mon micro anyway dans pas longtemps. Allez vous asseoir dans le siège d'animateur. Là. Okay. Vous avez une habitude, ce temps-ci, vous, hein? Bon, écoutez, JP, Est-ce que vos cours de formation de radio sont bientôt terminés? Non. J'en ai jamais eu, moi. Jamais? Un peu comme vous avec la politique. Exactement. Est-ce que vous voulez une bière? D'habitude, j'en offre toujours, mais là, c'est parce que j'enregistre une émission sérieuse un peu plus tard. C'est vrai? Alors, je vais la garder. Avec qui? Avec Anne-Marie Dussault. Ah non, vous pouvez prendre une bière, pas de problème. Pas de stress, là. J'aime meilleur m'en prendre une, vous accompagner, puis j'irai voir Anne-Marie avec vous tantôt. Monsieur Lisée, ça fait du bien de vous voir en politique. Alors, je vais reprendre mon siège. Je me sens pas à l'aise à regarder à droite. OK, qu'est-ce que vous voulez? OK. C'est de même, hein? Ah, mais là, ça fait plus de sens, vous regardez vers la gauche. Vous savez, si on était à la télé, ça marcherait mieux, ce qu'on vient de faire. Non, je le sais, mais on aspire à ça. Faut donner le temps au patron de se parler, puis à un moment donné, on va mettre une caméra. Comme je disais, en formation. Oui, c'est ça, on travaille, là. Ça fait du bien de vous voir en politique, M. Lisée. Pourquoi? Parce qu'on vous voyait presque pas, là, à part à TV, à ça, radio, dans vos livres. C'est vrai. Hey, vous avez oublié votre bière en changeant de place. Ah, non, mais ça, c'est vrai. Est-ce que vous êtes content d'être arrivé en politique, finalement? Je me sens à ma place. C'est vrai? Je me sens à ma place. Surprise. Et puis, au moins, les fatigants comme vous arrêtent de dire, mais vous ne pensez pas que vous avez trop de chapeaux? Puis tout ça. Bon, j'ai tout laissé, mes autres chapeaux, j'en ai pris juste un. Ben oui. Là, c'est normal le quand je parle de caribou. Politique. Bon, hein? C'est vrai que des fois, ça me démange un petit peu d'être journaliste. Je vais poser des questions. Ben oui, c'est ça. Je vais poser des questions. Vous êtes même allé poser des questions à François Legault. Oui. Pourquoi vous l'avez dérangé comme ça, François? Ben... Bon, j'avais pas aimé. Ben moi, je suis allé au cégep. Vous finissez votre cégep? Oui. Ouais, okay. Ça affaisse. Et puis... Vous l'avez égrené pendant plusieurs années. Moi, j'étais pas comme ça, Fred. Vous savez qu'il paraît qu'après 7 ans de cégep, on devient prof automatiquement. Ah, mais honnêtement, c'est comme ça partout dans le monde universitaire. OK. Ah oui, oui, vraiment. Ben, même vous, vous avez même été directeur d'une chaire de recherche. Pendant 8 ans. Ben oui. Ben là, il était pour me nommer prof, je suis allé en politique. Ben, vous avez bien fait, paraît que c'est plat d'être prof. Depuis que vous êtes rentré en politique, est-ce que vous vous êtes dit que tous les coups sont permis? C'est pour ça que vous êtes allé déranger Legault, par exemple? Ah non. Tous les coups ne sont pas permis, sinon vous auriez vraiment vu quelque chose d'intéressant. C'est vrai comme quoi? Ouais. Par exemple, supposons, là, on ouvre là, les écluses, là, allez-y à fond. Qu'est-ce que vous auriez fait à François Legault? De légal. Ah, ben là, vous venez de me couper mon élan, là. Ben raide. Ben écoutez, il y a des gens qui se sont demandé si vous n'étiez pas en service commandé, là, si ce n'était pas le parti qui vous avait envoyé déranger M. Legault. Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que vous êtes allé? Oui, c'est vrai qu'il y a des gens qui se sont demandé ça. Ouais, non. Je vais reposer ma question. Est-ce que vous étiez envoyé en service commandé? Non, c'est une idée qui m'est venue parce que moi, je postule pour un emploi, député de Rosemont. Ben oui. Et puis, j'essaye de convaincre les gens de Rosemont que je vais m'occuper de leur dossier. Mm-hmm. Et puis là, la Chambre de commerce de l'Est, ben, ça couvre Rosemont. On a le droit de s'acheter des billets. Mm-hmm. Puis là, je sais que si par mégarde, M. Legault était élu premier ministre, il a dit que deux des projets prioritaires pour Rosemont, donc la ligne bleue de l'Est puis l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, pour lui, il y a un slogan, « On verra ». Alors que pour mes électeurs, c'est de suite. Bien, on va en parler avec le ministre, en fait, le ministre sortant qui était responsable de la métropole, M. Bachand, dans quelques minutes. Mais il est sortant. Oui, il est sortant, mais je veux dire, il va peut-être rentrer. Ben, vous savez pas. Ben, j'aimerais mieux parler au ministre rentrant. Alors, c'est pour ça que je suis allé lui poser cette question-là. Et puis, savez-vous ce qu'il m'a répondu sur ces deux dossiers-là? J'ai pas écouté. On verra. Ah oui, OK. Non, mais il a aussi dit à M. Legault que les péquistes étaient désespérés. C'est pour ça que vous étiez là, oui. Ben, je regarde les sondages ce matin, puis je vais vous dire une chose. Il n'y a pas loin d'avoir raison. Ben, disons, c'est parce qu'on gagne. Oui, ben, je veux dire, on gagne. C'est comme quand tu menais 6-0, puis il s'est rendu 6-5, puis il te reste 10 minutes à troisième. Là, tu gagnes, mais pas mal moins qu'avant. L'important, c'est de gagner. Oui. Ben oui, non, c'est vrai que l'important de gagner. Si t'es mieux pas gagner, toi, pour les codes d'écoute, par exemple, si t'es en bas des autres, là, tu gagnes quand même? Oui. Non, vous avez raison. Vous avez une avance, sauf que nous, avec les codes d'écoute, c'est à tous les mois, ça arrive tout le temps. Okay. Vous, il y a une élection 4 ans, là, vous êtes sur le bord d'arriver au bout. Ah, mais pas avec les référendums d'initiative populaire, on va avoir plus d'action. Ça, c'est compliqué. C'est fameux. Que c'est compliqué. Mais nous, on va en demander un aussi, un référendum, pour avoir des meilleurs codes d'écoute, on espère. Ah, c'est une idée, mais ça a l'air d'être facile. Si vous n'avez pas 850 000 auditeurs, vous ne pourrez pas l'avoir. On travaille là-dessus. On travaille très fort. On travaille très fort. Vous êtes rentré en politique, donc, sur le tard, on va le dire. Vous avez évidemment été conseiller de Jacques Parizeau, de Lucien Bouchard, de Pauline Marois. Et on a appris que vous aviez acheté votre carte du PQ au début août. Comment ça se fait que ça a pris du temps de main? Écoutez, il y a tellement un backlog. Il y a de l'attente. Il y a de l'attente pour les cartes. Les gens demandent des cartes, ça n'arrive pas. Faut rappeler. C'est vrai que les gens de Rosemont, ils savent, ils reconnaissent les gens qui mentent. Hein. Ah, c'est vrai. Ouais. Moi, je ferai attention. Non, mais je l'ai acheté le jour... Non, la veille de... le lendemain. Est-ce que vous me suivez? OK. Il n'y a pas de problème. Regardez, d'abord, il fallait que les exécutifs de Rosemont entérinent. Ils avaient souhaité. Là, ensuite, il a fallu qu'ils entérinent. Oui, mais acheter une carte du parti, ça ne veut pas dire être candidat. Mais c'est parce que je voulais être membre du PQ une fois que j'étais candidat. Oui. C'est ça. OK. Mon Dieu, c'est plate comme histoire. C'est pas moi qui choisis les sujets. Non, je sais. J'ai trouvé ça drôle. Je pensais que c'était plus jazzé que ça. Ben non. Monsieur Lisée, on parle de statistiques, justement, là, on a les derniers sondages, mais il y a eu des statistiques franchement intéressantes sur les séparatistes, en fait. 15 % 22 % et 32 %. Oui, ça, c'est des chiffres, c'est pas super intéressant, mais ce que je parle, c'est les séparatistes. Par exemple, on a vu que la division des votes séparatistes allait vous coûter quelques comtés. Oui. Vous êtes capotés, vous autres, de vous séparer en plein de parties de même. C'est notre séance d'entraînement. C'est vrai, parce que il me semble, dans ma tête, à ce que je me souviens, vous étiez le responsable de l'émissaire, en fait, qui avait pour but de réunir les forces séparatistes. Ça n'a pas beaucoup fonctionné. Mais ce que je n'avais pas compris, c'est que j'étais book émissaire. Voulez-vous que je vous dise, moi, j'ai entendu dire que c'était parce que vous étiez un petit peu... le mot que je cherchais, c'est quoi, Fred? Prétentieux. Ah! Hautain. Voyons, là, lequel, là? En tout cas, je ne sais pas, là. Savez-vous pourquoi les gens disent ça? Non. Parce que c'est vrai. mais écoutez, je me soigne. Je me soigne. C'est vrai? Si vous m'aviez connu avant, c'était pire. J'ai une dernière question, là. Entre Bernard Drainville, Pierre Duchesne et vous, là, qui va mettre la marde en premier au PQ? Bon. Puis là, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Il y a un pôle Bernard là-dessus. Bernard est bon. Là. Bernard est bon. Il y a un pôle là-dessus, là. Ouais. Mais est-ce que vous voulez dire avant ou après l'élection? Oh, pendant tout le temps maintenant, je veux dire. Allez-y, là. Vous devriez être plus précis dans vos questions. Ben, excuse-moi, j'ai déjà fait cette semaine. Fait quand? Vous allez recevoir sûrement un trophée pour ça. Est-ce que c'est moi qui gagne? Ben, je pense que oui. Ben, c'est ce que je vous demandais tout à l'heure. Vous allez recevoir un panache d'or. Parfait. Merci. Vous restez avec nous, par exemple, M. Lisée. Depuis le dernier scrutin fédéral, les sondeurs ont montré qu'ils n'étaient plus très fiables. Hein? Eux qui n'avaient pas vu venir la vague orange du NPD, le phénomène pourrait très bien se répéter au Québec avec peut-être une vague Québec solidaire. On s'est donc imaginé ce que serait une période de questions sous un gouvernement majoritaire solidaire. On écoute. La parole va maintenant au député de Saint-Maurice-Saint-Profond. Monsieur la Présidente! J'aimerais que le ministre de la Condition féminine nous donne des explications sur la nouvelle politique du gouvernement qui oblige tous les citoyens à uriner assis dans les toilettes de la province. Je veux bien qu'on fasse attention aux petites gouttes, mais j'aimerais savoir combien coûtera les 1500 inspecteurs qui surveillent toutes les haltes routières en permanence. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, en sous-question, j'espère que la rumeur que j'ai entendue ce matin en commission parlementaire à l'effet qu'on castrerait tous les hommes en âge de procréer est vraiment une rumeur. Parce que sinon, je demanderai l'érection de barricades dans mon comté pour prostater contre cette mesure discriminatoire, Madame la Présidente. S'il vous plaît, alors, au tour maintenant de la députée de 450 Ouest. Monsieur la Présidente, j'aimerais que le co-premier ministre et ministre de la Rééducation, Amir Kadir, nous dise comment il compte financer les écoles passerelles qu'ils veulent construire jusque dans la bande de Gaza. Ça va en prendre du béton juste pour se rendre l'autre bord de l'Atlantique? Puis on n'est pas encore rendu, en plus. Merci à toutes et à tous. La période de questions est terminée. Je vous rappelle qu'il est maintenant interdit d'amener des bouteilles d'eau à l'Assemblée, que les petits bâtons en plastique là, pour brasser votre café dans des verres en papier de riz mangeable ne doivent pas être en plastique. D'ailleurs, on vous suggère des fettuccini de blé dur biologique non cuit. Ça brasse très, très bien. La séance est levée. Vous devez avoir hâte de siéger dans un gouvernement de même, vous? Non. Il y a peu de chance. C'est quand même peu de chance, ça arrive. Vous êtes à l'écoute, évidemment, de La soirée est encore jeune. Depuis quelques semaines, cette personne a mené les plus grandes entrevues politiques sur le terrain. Et c'est grâce à elle que nous pourrons faire un choix éclairé lundi prochain. Non, ce n'est pas Anne-Marie Dussault, ni Céline Galipeau, ou encore moins Patrice Rouen. Non, c'est Jean-Sébastien Girard qui, encore aujourd'hui, nous promet une rencontre éclairante avec un personnage politique influent. Jean-Sébastien, bonsoir. Bonsoir, mon bonjour Philippe. Comment allez-vous? Super bien. Ah, super. Alors, encore une fois, je ne vais pas vous décevoir, Jean-Philippe. Je me trouve présentement dans le salon d'esthétique pour hommes sur la rue Amherst à Montréal, le Physiotech Spa Concept. Mm-hmm. C'est situé dans la circonscription de Manon Massé, qui est candidate de Québec solidaire dans Sainte-Marie-Saint-Jacques. Oui. Et c'est justement avec elle que je me trouve ici, Jean-Philippe, pour qu'elle puisse se relaxer de sa grosse campagne électorale. J'ai décidé de lui offrir un beau soin du visage qui lui sera offert dans quelques minutes par Luc. Madame Massé, bonjour. Oui, bonjour Jean-Sébastien. Madame Massé, jamais j'aurais pensé que vous aviez accepté mon invitation. Qu'est-ce que vous faites ici pour l'amour du Saint-Ciel? Premièrement, vous m'avez invité. Deuxièmement, c'est dans mon comté. Et troisièmement, venir relaxer, moi, en pleine campagne, prendre une petite heure pour ça, ça me fait du bien. Excellente réponse. Parce qu'on va le dire, vous avez un look un peu différent. Vous portez ce qu'on appelle dans le jargon une moustache. Vous en êtes fier. Et si on est dans un salon esthétique, c'est pas pour que vous les piliez, parce que vous avez affirmé à ma collègue Judith Hussier dans Urbania que pour vous, porter une moustache, c'était une forme de statement. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ben là, Judith, elle l'a bien écrit, mais là, pour le bénéfice de vos auditeurs, c'est que dans le fond, qu'est-ce que vous voulez? Comme la majorité des femmes au Québec et d'ailleurs sur la planète, en vieillissant, le poil nous pousse. Moi, j'ai décidé de ne pas l'enlever, parce que dans le fond, les multinationales qui font de l'argent sur le dos du monde, moi, ça n'a jamais été mon bague. Fait que voilà pourquoi je la garde. Mais je dirais même plus que ça, c'est que toute l'industrie de la beauté font des milliards de profits par année. Et en plus, on teste ça sur des animaux. C'est pas bon pour l'environnement. On prend du pétrole. Fait que comprenez-vous, moi, dans ma cohérence, à moi, il n'y a pas de place pour ça. Bon, mais c'est pas bête ça. Il y a des gens aussi qui ont salué cette démarche pileuse, mais inversement, il y a des gens que ça dérange. Il y a des gens qui ont vandalisé vos pancartes sur lesquelles on a dessiné des barbes, on a dessiné des moustaches. Il y a des gens qui disent que vous pourriez perdre vos élections à cause de votre moustache. Si vous aviez à choisir entre la moustache et l'Assemblée nationale, vous choisissez quoi? Ben moi, je choisis l'Assemblée nationale avec la moustache, voyons. Ouais, mais si je vous oblige à choisir entre les deux, là. Ben, je choisirais la moustache. C'est vrai. Ben. Mais vous la portez fièrement. On a assez parlé de votre moustache, je trouve. D'ailleurs, on m'avait dit, t'auras pas envie de rire d'elle parce qu'elle est tellement fine. Puis là, c'est ça le problème, je vous trouve tellement fine. J'ai ben, ça, je suis en train de vous aimer. Alors, on va parler politique dans quelques instants. Mais avant, c'est temps de votre masque. Il y a Luc qui va vous enduire le visage de crème et vous mettre des concombres dans les yeux. Et je vous reviens dans quelques minutes, Jean-Philippe. Ben, je vous remercie énormément, Jean-Sébastien. Merci, à tout de suite. Tout ce que vous faites. Merci. Vous écoutez La Soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Vautier. Une émission qui, pour l'instant, ne suscite pas de recours collectif. Ben, peut-être après le reportage de Jean-Sébastien, ça changera. Ben, non, il n'est pas du type à aller se faire dorloter chez l'esthéticienne. C'est tant mieux. Fred, ça va? Oui, oui, bonsoir tout le monde. Écoutez, il y a quelques jours du scrutin, j'ai pensé offrir un coup de pouce aux nombreux indécis qui n'ont toujours pas fait leur choix. Et bon, là, je ne ferai pas de longs parages sur les vertus ou non du vote stratégique. Question de ne pas tomber dans l'idéologie ou l'argumentaire partisan, chose que notre invité Jean-François Lisée fait beaucoup mieux que moi. Alors, commençons par la tranche d'électeurs qui constitue les 65 ans et plus. Cette clientèle est plus réfractaire au changement et tend à voter pour le parti au pouvoir, on le sait. Pour ceux-là, et surtout André Pratt, le PLQ est tout indiqué, surtout s'ils résident en CHSLD, et les bénévoles qui les amènent au bureau de vote seront la seule visite qu'ils auront eue en 4 ans, pour plusieurs personnes. Même les inspecteurs ne viennent pas si souvent. Pour nos aînés plus en forme et qui sont toujours en mesure de travailler, la CAQ serait un bon choix, sachant que le parti ne reluquerait certainement pas à augmenter la retraite à 67 ans et à réduire les pensions de vieillesse. Bon, les personnes âgées plus souverainistes, si ça existe vraiment, ont le choix. Ceux qui aiment s'obstiner et débattre pendant des 10 heures, voire 40 ans, devraient aller vers le PQ. Pour ceux qui restent, c'est-à-dire Jacques Parizeau, Lisette fait dire qu'Option nationale, c'est bien trippant. Pour ce qui est de la tranche d'indécis que constituent les hommes sur le marché du travail, l'éventail du choix donne le vertige, je dirais même la nausée. Ah oui, hein? Si vous avez 40 ans, blanc, pas d'enfant et toujours en sacrement, vous faites partie de ce qu'on appelle les « hangry white men ». Vous n'avez pas à payer pour les garderies de bonnes femmes, les taxes scolaires, puis l'hôpital pour tout le monde. Vous êtes en santé, vous vous entraînez, puis votre blonde le sait que vous voulez pas d'enfants. Vous voulez juste vous tremper le pinceau, puis avoir une maison dérangée. La CAQ est donc pour vous. Mais si vous les trouvez encore trop à gauche, il vous reste le Parti conservateur du Québec, même si, contrairement à leur publicité, les BS ne portent pas tous des T-shirts neufs qu'ils déchirent rendus dans leur HLM luxueux. Si par contre, vous êtes tanné de payer pour les autres, mais que vous n'êtes pas trop fâché et accessoirement non-blanc, le PLQ peut être intéressant, hein? Surtout si vous êtes ingénieur, entrepreneur en construction ou encore mieux que votre nom de famille se termine par A, I ou O. Si vous ne vous reconnaissez pas dans ces descriptions, soit que vous êtes à gauche, soit vous êtes un illettré politique, vous voterez donc pour la CAQ. Pour les femmes indécises, mais féministes, je vous suggère bien sûr Québec solidaire, un parti qui accueille vraiment tout le monde. Il milite pour la diversité sexuelle, même, c'est-à-dire les transgenres, les hermaphrodites et les femmes à barbe. Non! Je n'ai pas dit moustache, j'ai dit barbe. Mes excuses quand même à votre père, Jean-Philippe. Ouais. Pour les indécises moins craqués, il y a bien sûr Pauline Marois qui, contrairement à Françoise David, a de réelles chances de prendre le pouvoir. Et bien des femmes se reconnaissent dans son parcours. Bon, des femmes gagnant plus de 130 000 $ par année, bien sûr, mais quand même. Pour ceux qui en seront à leur première élection, les 18-22 ans, là aussi, il y a du choix. Bon, si vous portez le carré rouge et que la gratuité scolaire est importante, vous avez Québec solidaire ou Option nationale comme choix. Dans les deux cas, vous aurez fini de rembourser vos frais de scolarité depuis un méchant bout avant qu'ils prennent le pouvoir. Si vous portiez le carré vert, vous êtes nécessairement membre de la commission jeunesse du PLQ. Le choix ne se pose pas. Si vous êtes pour la hausse des frais de scolarité, mais que votre père n'est pas conseiller juridique au PLQ, il vous reste le PQ ou la CAQ. Bon, si vous souhaitez une indexation, le PQ est le parti pour qui voter. Si vous souhaitez une privatisation complète des universités, vous vous appelez probablement Laurent Proulx. Et ça m'intéresse même pas de savoir pour qui vous votez. Anyway, si jamais vous perdez vos élections, vous irez sûrement devant les tribunaux pour invalider le scrutin. Et pour ceux qui ne sauraient toujours pas pour qui voter le 4 septembre, il reste une foule de petits partis pour vous. Que vous soyez un poteux, un amoureux des chats ou un catholique de la classe moyenne, décidez-vous, mais de grâce, allez voter! Ah, c'est donc beau, frère! C'est beau, hein? Il faut aller voter! C'est important! Vous... Vous me semblez assez fâché et assez blanc, vous, hein? Oui, mais j'ai un enfant. Ah, d'accord, c'est ce qui vous distingue. On va retourner discuter avec l'ami Jean-Sébastien. Jean-Seb! Bonjour! Je suis toujours avec Manon Massé dans ce salon esthétique, le Physiothèque, Spa Concept pour hommes. J'ai jamais vu une femme aussi relaxée. Vous êtes belle à voir. Êtes-vous détendue toujours? Absolument. Surtout le petit massage des épaules me fait beaucoup de bien. Allez-vous revenir toujours? Ben, qui sait, peut-être que j'aurai pas beaucoup de temps parce que je vais être élue tant que le 4 septembre. Ah, c'est vrai. Mais maintenant, cessons ce papotage esthétique et parlons un peu de politique. Vous êtes une féministe depuis toujours. Vous avez participé aux côtés de Françoise David à l'organisation de la Marche du Pain et des Roses. Moi, si j'étais Françoise David, si je prenais le pouvoir, je vous donnerais le ministère de la Condition féminine. Ma question, en voudriez-vous? Oh, ben, c'est sûr que je prendrais le ministère de la Condition féminine, mais j'en prendrais bien d'autres aussi. C'est vrai? Oui, oui. Quelle serait votre première action à part criminaliser l'électrolyte? Ben, je sais pas ça, premièrement, parce que c'est toutes les limes, hein, fait que le monde font bien ce qu'ils veulent. Mais c'est sûr que moi, toute la pauvreté qui vit actuellement au Québec, qui touche particulièrement les femmes, c'est là-dessus que j'agirais. Mais je suis pas originale parce que tout mon parti veut agir là-dessus. Mais parlant justement de conditions féminines, l'actuelle ministre de la Condition féminine, Mme Christine Saint-Pierre, a participé cette année à une journée sans maquillage. Elle a trouvé ça bien dur. Je paraphrase un peu, mais elle a dit qu'une femme qui se maquillait pas, ça faisait bien dur, ça valait pas cher la livre. Vous en pensez quoi? Ben, moi, je pense que Mme Saint-Pierre achète l'idée de c'est quoi une vraie femme, un vrai homme, et dans ce sens-là, mais j'ai débattu, vous savez, la semaine passée avec elle, et elle m'a trouvé très, très crédible, surtout quand j'amenais certaines critiques. Est-ce qu'elle vous trouvait belle? Ah, je ne lui ai pas demandé. Il faudrait lui demander, tiens. On va lui demander. Dans le web, il y a des gens qui disent que votre quête un peu granole n'a rien à voir avec l'affranchissement ou le féminisme, que c'est juste que vous n'avez pas de goût. Ma question, est-ce que vous avez du goût? Ben oui, j'ai du goût, voyons donc. Regardez-moi comment je t'habille, là. Hein? Ça coûte cher, ça, bien, mais moi, je m'habille dans les friperies. Ça me coûte pas bien, bien cher. Bon, je veux que je l'aime. Je l'aime bien gros, j'ai pas envie de rire d'elle pantoute. Alors, on va la rincer, on va la laver et on va ouvrir avec un petit jeu, Jean-Philippe Bottier. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. À tout de suite. Honnêtement, vous êtes bon pour nous. Je sais. Notre deuxième invité. Notre deuxième invité a proposé une révolution culturelle lorsqu'il était ministre des Finances, mais il n'a rien en commun avec Mao, à part une préférence pour le rouge de son parti. Voici Raymond Bachand. Oh. Monsieur Bachand, bonsoir. Bonsoir, je une bien. Bien de bonheur dans l'après-midi. Ben, c'est bonheur dans l'émission. Dans la soirée. Oui, votre émission est en soirée. Oui, oui. Bien. Raymond, jouez le jeu. Ah, ben, vous êtes libéral, je vais vous donner une rousse. C'est le plus proche qu'on a de la rousse. J'aime bien blonde. Okay. Ah, ouais? Ah, ben oui, vous avez passé péquiste, vous. Hein? Hein, oui. Oui, oui. C'est ça. Non, mais je trouve ça le fun. C'est la première fois qu'on a deux séparatistes assis ensemble. Mais c'est vrai, c'est vrai. On connaît pas bien votre CV. Je trouve ça plate. Les journalistes se sont pas attardés à votre passé, ben. Ils se sont pas mal plus attardés au passé de M. Legault. Hein. Mais vous avez travaillé pour la campagne du Oui avec René Lévesque en 1980. Bien sûr. Pendant longtemps, ça doit former une jeunesse. Oui. Et toute une construction de la pensée. Ou pas tant que ça, ben non, visiblement oui, pas tant que ça. Oui, oui, oui, parce, oui. Que, parce qu'on a commencé ça. Moi, j'ai fondé le mouvement Souveraineté Association de l'Université de Montréal en 67. Ah, mon Dieu! Oui, oui, je suis jeune, là, qui sont ben ici. Oui, oui, c'est ça. Puis j'ai travaillé, j'étais conseiller juridique en chef du parti en 73, et puis mené, j'étais numéro 2 pour l'organisation de la campagne du Oui, en 80. Ah, est-ce que c'est pas... C'est un autre siècle, ah, il y a oui. 30 ans. Oui, c'est un autre siècle. Mais oui, la c'est... planète a changé. D'ailleurs, notre premier engagement électoral, là, ouais, c'était quoi? Je blague évidemment, okay. Ça va être de payer un voyage à tous les Québécois en Espagne et en Grêce. Arrête et pour donc. Pour voir comment ça se passe, ça peut mettre. Ça, on va en reparler. J'ai l'impression que M. Lisée est en train de virer fou en arrière. Oui, j'attendais, puis moi, je suis jaloux. Il ne m'a pas interrompu encore, comme François Legault. Je commence à être jaloux. Je vous assure une chose, ça va arriver. Ça va arriver. C'est un engagement. Non, mais vous avez donc changé d'idée. On parlait justement de votre passé. Vous étiez souverainiste. Vous me faites penser quasiment à un gars comme François Legault. Hein? Est-ce que vous n'êtes pas fiable comme François Legault? Non, merci. Vous êtes plus fiable que François? Ben moi, ça fait 25 ans. Hein. J'ai travaillé au Fonds de solidarité, j'ai travaillé ben au Métro Richelieu. Un syndicaliste qui arrive au Parti libéral, là, vous allez m'expliquer ça parce que celle-là est compliquée. Honnêtement, là, un ancien syndicaliste qui devient ministre des Finances pour le Parti libéral, je veux dire, ça prend du ménage, ça, pour arriver au bout de ça. Là, ben, parce que la FTQ, Fonds de solidarité, c'est le développement économique. Oui, non, c'est la une ligne droite. C'est une ligne droite. C'est très, très droit. Absolument une ligne droite. Vous n'avez jamais dévié de votre ligne? Hein? Vous n'avez jamais dévié un peu, jamais un peu? Ben, même pas un petit peu. Non, mais quand on a une passion, ouais. Il faut reconnaître ce qui se passe sur la planète. Donc, c'était la destination. Là. Tu savais ça il y a 40 ans que c'était la destination. C'était premièrement, M. Lisée, on vous voit les gens ici, c'est très important. Parce que je regardais votre passé. Mais ça va être un rôle de composition difficile. Ben, c'est sûr, quand on est haut de même. N'empêche, on va parler de la campagne actuelle. Il vous reste quelques jours avant l'élection, évidemment. Oui. Mais là, je ressors le sondage qui est sorti ce matin. Évidemment... Es-tu fatiguant avec ça? Ben non, mais je sais. Je sais. Puis les chiffres, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. C'est peut-être que ce ne sera même pas ça mardi. Mais là, je vois que le ça parti... Ça ne sera pas ça. Mardi. Ça sera pas ça, mardi. Ça parce que je vois que le Parti libéral est à 26. Ça va être différent, je crois quand même. Ça va être différent. Non, c'est à 25, 27, on verra. Là. Mais vous êtes à 26... la CAQ est à 28 et le Parti québécois est à 32. Ça va pas super bien pour le Parti libéral, à moins que vous me... C'est une question? Ben, en général, là, je veux dire, c'est comme un feeling. C'est un feeling que j'ai, c'est un feeling. Est-ce que ça va bien à l'intérieur de l'autobus du Parti libéral? Est-ce que vous vous sentez hyper confiant? Moi, j'ai confiance au jugement de la population. Ben, vous êtes dans Outremont. Je veux dire, mais pour les autres... Oui, mais je me suis promené, je suis allé à Montmagny, je suis allé en Abitibi, je suis allé partout au Québec. Est-ce que le feeling est bon, quand même? Je suis allé à Québec. Ben, écoute, quoi qu'il arrive, il y a... deux tiers de la population qui est contre toi, contre le PQ ou contre la CAQ. Ça, c'est sûr. Alors, quoi qu'il arrive, tu prends ça avec modestie. Il faut que t'écoutes, c'est tout. C'est dur de gérer 4% de différence dans quelqu'un. Hein. C'est pas clair de même. T'sais, le 4% qui est contre toi, c'est pas évident. Je comprends, monsieur Bachand. Je suis en train de préparer ma semaine prochaine. Évidemment, ça va être les élections. Ça va être une grosse semaine. Moi, mon horaire, il est plein, mais j'ai des petits trous. Le 6 en après-midi, j'ai quelque chose, mais le 6 au matin, je serai libre. Est-ce que ce serait possible de placer la conférence de presse de démission de Jean Charest le 6 au matin? Mais, parce que ça m'embêterait bien gros que ce soit l'après-midi. Puis là, mais ben... vous voulez parler du lancement de la course à chefferie entre Bernard Dréville puis Jean-François? Mon Dieu, Jean-François, ça se présente n'importe quoi. C'est pas le rêve de tout le monde, là, Raymond, d'être ministre des Finances du Parti libéral du Québec? Hein? C'est le rêve de tout le monde? Non, c'est pas le rêve de tout le monde. Ah non, non mais c'est pas une ligne droite. Moi, je pensais qu'elle allait poser la question. Ben ouais, là, ils sont partis. Moi, je pensais qu'elle allait poser la question aux deux. Là, après votre question, c'est après la victoire de François Legault. Garde. Qu'est-ce que fait Jean-François? On va s'entendre sur quelque quand chose. Quand Pauline démissionne? Le 6 au matin, il va y avoir une conférence de presse de démission. Fait qu'on peut s'arranger que ça soit le 6 au matin. OK? Je vous dis ça aussi, hein, Jean-François. On va passer le message. On est en business. L'autobus roule pour l'instant. Là, on sait, on en a parlé tout à l'heure, Jean-François Lisée, qui n'hésite pas à voler le micro de tout le monde. Supposons qu'il vous avait fait ça à vous. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à Jean-François Lisée? Puis il est à côté, là. Hein? J'aurais dit bonjour, Jean-François. Ah, vous êtes bien... ben ouais. Qu'est-ce que tu fais ici? Vous êtes bien plus cordial que M. Legault. J'aurais dit, qu'est-ce que tu fais ici? Tu sais pas vivre. Là, par exemple, on jase. Et puis là, on va jaser de la ville de Montréal. Justement, Jean-François Lisée en parlait un petit peu plus tôt. Vous êtes responsable de la ville de Montréal. On sait que le Parti québécois veut nommer un ministre responsable de la métropole, ce que le Parti libéral n'a pas fait. Pourquoi ne pas nommer un parti responsable de la ville de Montréal? Il me semble qu'on a besoin de ça dans la ville un de Montréal. Parti? Un parti? Un ministre, parti. Pardon. Un ministre pour la ville de Montréal. Il y en a un, puis sauf que c'est le ministre des Finances. Je pense qu'à être Montréal, il y a 10 milliards qu'on Mais il y a d'autres choses à faire que de gérer. À moins qu'être ministre des Finances, c'est une job à temps partiel, là, mais ça me surprendrait. Je disais, il faut un ministre pour la métropole. C'est pas comme ça. Quand tu as des enfants, tu t'occupes de tous tes enfants, même si tu en as beaucoup. Bien, voyez-vous, moi, je pense que le Montréal a besoin d'aide. Je pense que Montréal a besoin d'aide. Justement, là, il va y avoir des élections en 2013. Pensez-vous que la métropole a besoin de 109? Puis là, Gérald, il n'entend pas, il est en Israël. Même s'il est à Montréal, anyway, il n'entend pas. Je n'ai pas entendu. Oui, pardon. Mais ça vient de me venir, là. Ouais. Mais Raymond serait un très bon candidat à la mairie en 2013. Raymond, tu connais tous les dossiers. Et toi, tu vas être président du comité exécutif? On en reparlera en privé. On a une étiquette de la ville de Montréal. Ça, c'est intéressant. Je voulais finir en parlant de souveraineté parce que je trouve ça le fun. Vous avez complètement changé d'idée. Vous parliez tout à l'heure de la Grèce et de l'Espagne qui pourraient être un exemple pour le Québec si le Québec devenait souverain. Il n'y a pas moyen. Expliquez-nous, là. Il n'y a pas moyen d'être souverain. Vous êtes sérieux, là? Ben oui, ben oui parce que vous n'êtes pas sérieux depuis le début? Non, ben voyons, on s'est fait avoir. On a le ministre des Finances, puis il n'a même pas été sérieux avec nous autres. Mais un Québec souverain ne peut pas être économiquement viable? Le monde a changé aujourd'hui. C'est-à-dire? La planète a changé. La souveraineté, là, c'est Bruxelles qui décide. C'est pas Berlin, Paris, chacune des capitales. Je comprends. Et moi, je pense que dans le monde d'aujourd'hui, comme Canadien, on tire notre épingle du jeu sur la planète pas mal plus, puis économiquement aussi. Économiquement aussi. Mais on ne commencera pas un débat. Non, mais là, c'est sérieux. C'est une émission le fun. C'est pas sérieux. C'est de tirer code d'écoute. M. Charest a dit à TV5 il y a 2 ans à peu près en France qu'il n'y avait aucun doute sur la viabilité économique d'un Québec souverain. C'est juste qu'il pensait que ce n'était pas une bonne idée. Tu ne vas pas quand même contredire. Contredire mon chef? Ben, en 2012, il y a un prix à payer pour chaque décision qu'on prend. On peut prendre n'importe quelle décision dans la vie. Comme celle d'être dans le Canada? On va les laisser tout seul. Comme ma fille qui vit en Afrique, être heureuse. Bon, ben, je vous remercie beaucoup. Mais pas riche. Je vous remercie beaucoup, M. Bachand. On continue en discussion après l'émission. Ça a l'air super intéressant. Mais cela dit, bonne chance à vous mais deux. Mais hein, lui, ne prendra pas mon micro, ni moi le sien. On prend le vôtre. Là, on peut continuer. Vous avez remarqué, ça, hein, j'ai mis un micro-casque donc, qui est attaché directement à notre tête pour être certain que Jean-François ne le vole pas. Il y a des façons. Ah, mais il y a des façons. Je vous le dis. Ouais. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, hein, M. Bachand, pour le reste de l'émission, j'espère. Mais oui, si vous m'invitez. Ben oui, ben, vous êtes assis là, ce serait bien bête de nous quitter de même. Merci beaucoup. Restez avec nous, Fred, notre prochain chroniqueur. Ça va me permettre de prendre une gorgée de bière. Ben, j'espère. Si le casque d'écoute était considéré comme une arme de destruction massive, notre prochain chroniqueur serait accusé de génocide contre les morons médiatiques. Ben voici le billet d'Olivier Niquette. Ben oui, c'est violent. Quoi de neuf cette semaine, Olivier? Ben, la semaine a commencé avec le dévoilement d'un grand complot communiste autour d'une pétition pour le retour de la station Planète Jazz disparue suite à l'arrivée de Radio X Montréal. L'initiateur de la dite pétition, M. Laplante, se dit pourtant tellement à droite qu'il allume son barbecue avec des carrés rouges. Tout ce qu'il veut, le monsieur, là, c'est écouter son Dave Brubeck dans son Hummer. En tout cas, c'est ce qu'il dit. On sait comment ça fonctionne, on sait les tactiques d'une gauche politique organisée qui se complaît dans la pensée unique actuelle à Montréal et qui ne veut surtout pas avoir un débat d'idées avec la droite. Sauf qu'à ce moment-là, ça veut dire que l'histoire de M. Laplante est entièrement fabriquée, que ça cache une manœuvre gauchiste. Écoutez, je sais pas si lui-même est sincère ou pas. Pourquoi il veut faire, je sais pas. Est-ce qu'il est instrumentalisé par d'autres, je le sais pas. Est-ce qu'Éric Duhaime est parano? Je le sais pas. Mais comme dirait l'équipe de Mitt Romney, il ne faut jamais se laisser distraire par les faits. Ce que je sais par contre, c'est qu'Éric Duhaime a annoncé qu'il allait voter pour la CAQ, ce qui a sans doute influencé plusieurs électeurs du 450 où François Legault est en bonne position. Après la vague orange, la tache brune, Mario Dumont. Je crois comprendre que là, il y aurait comme une tache de CAQ en partant. Tu sais comment c'est, là. Tu commences avec une tache de CAQ, puis c'est pas long que tu te ramasses avec un gros tas de CAQ à l'Assemblée nationale. Hein? Mardi, Sylvain Bouchard du FM 93 à Québec a récidivé avec une analogie douteuse, prétextant que de vouloir taxer les riches comme le PQ veut le faire, c'est comme de vouloir taxer tout le monde. Bon, ça sonne bancal un peu comme ça, là, mais en présentant ça à la façon de Sylvain Bouchard, là, ça marche comme dans du beurre. Mais une des façons qu'il faut présenter ça aux gens, je pense, admettons que Pauline Marois se présente à l'ONU, Mario, OK? Puis son plan, là, je sais que ça n'existe pas, mais admettons, OK? Là, on fait une élection à l'ONU, puis c'est Pauline Marois. Puis il a dit, faisons payer les riches. C'est, regardez le monde, ils crèvent de faim en Afrique puis ailleurs. Je suis convaincu que vous seriez pas d'accord. Vous diriez, ben non, je peux pas donner mon argent à d'autres personnes, ils ont juste à faire comme moi, bien travailler. Bon, ben c'est décidé, Pauline Marois n'aura pas mon vote comme présidente de la planète. Non. Non, mais les petits Africains qui meurent de faim, là, ils devraient le savoir, le travail, c'est la santé. Ben oui. Et justement, comme le disait Benoît Dutrisac au 98.5 FM, si les jeunes de nos jours travaillaient, là, ils seraient pas en train de bloquer des salles de cours comme des wannabe Mussolini. Là. Il y a un petit côté fasciste de voir, puis on remonte aux années 30, là, en Italie, en Allemagne, de voir des petits groupes comme ça masqués, arriver dans un coin, intimider un autre groupe, y passer la casserole d'en face. Quelque chose me dit que Dutrisac sans Radio X lui poussait dans les cotes d'écoute. Ah. Dans un autre ordre d'idées, Michel Blanc, proclamé papesse des médias sociaux par ceux qui connaissent pas trop les médias sociaux, a embarqué presque tous les chefs de parti dans une gamique 2.0 afin de promouvoir les enjeux technologiques, mais surtout de se promouvoir elle-même. Madame Blanc, qui milite aussi pour les droits des transgenres, ayant elle-même changé de sexe, a réalisé une entrevue avec Amir Kadir, qui n'a pas hésité à faire sa guidoune pour amasser un peu de capital politique. Hey, merci de m'accorder un peu de temps. Je vous en prie, Michel. Et moi, je, moi je ne refuse jamais une entrevue avec une belle femme. Ah, vous êtes gentil! Très, très gentil, mais un peu maladroit. C'était un grand plaisir de vous rencontrer. Merci, Monsieur Blanc. Merci, Monsieur Blanc. Le capital politique, là, c'est tellement volatile. Je pense que Québec solidaire peut oublier le vote transgenre 2.0. À vous, Madame Vautier. Merci, Olivier. Oh. Eh bien, comme Olivier le soulignait, la Radio X Montréal subit les foudres des amateurs de jazz. Hein. Et pourtant, être de droite et être jazzé, c'est pas mutuellement exclusif. Hein. D'ailleurs, on en a la preuve, on écoute. Vous écoutez Radio X Jazz, la radio qui swing, tous ceux qui pensent pas comme nous. Bon matin tout le monde, Kevin Gosselin au microphone qui vous accompagne. On vient d'entendre Glenn Miller et son orchestra, tous des musiciens blancs. C'est assez rare dans le jazz et on aime bien ça. Alors Dave, tu as des suggestions de sorties culturelles pour nous ce matin? Bien, vous savez que c'est important de se culturer. Bien sûr. Justement, pour les amateurs de jazz de la région de la Naudière, il y a le Bob Bissonnette Quartet qui jouera à la brasserie Le Baril de Poudre de Joliette. Le Baril de Poudre? Oui, oui. Et croyez-moi, j'y suis déjà allé. C'est pas un jeu de mots. Ah oui, et ça va être intéressant. Bob Bissonnette qui fait du jazz agricole. Exactement. Et vous nous parlez aussi d'un nouveau festival de jazz. Oui, oui, ça se tiendra au printemps prochain à Sainte-Marie-de-Beauce. Première édition du FestiJazzPokerParty.com. C'est un festival sans subvention et ça, j'aime bien ça. Oui. Oh oui, eh bien c'est noté, Dave. Une dernière suggestion en terminant? Justement, pour les amateurs de jazz, il y a le film Jazz qui va sortir une nouvelle édition Blu-ray, le Director's Cut. Et je peux vous dire que les coupures sont profondes là-dedans. Ah, des coupures profondes, c'est justement ce que le Québec a besoin. Mm-hmm. Eh bien, merci, Dave. On s'en va en musique avec Miles Davis qui, on le rappelle, a copié toute sa vie les meilleurs musiciens blancs. Vous écoutez Radio X Jazz, la radio des hommes fâchés qui écoute autre chose que du Nickelback. C'est possible! Ben oui! C'est ben deux ben mondes oui. qui se marient très bien. Ben oui, qu'on rit-tu dans cette émission-là? On va aller retrouver Jean-Sébastien. Jean-Sébastien! Ah, bonjour! Ça va? Toujours avec Mme Massé, comme larron en foire. En terminant, Mme Massé, on a beaucoup parlé de votre image dans cette entrevue et beaucoup dans la campagne, peut-être un petit peu trop. Alors, je vous permets aujourd'hui de vous venger. Je vous ai apporté des cartons avec des photographies de différents politiciens. Je vais vous inviter à commenter leur image. Alors, tout d'abord, on commence avec cette photo. Justement, la ministre Saint-Pierre, elle est posée durant sa journée sans maquillage. Vous en pensez quoi? Ben, moi, je pense que si dans les fêtes pour Mme Saint-Pierre... le maquillage, c'est gage de crédibilité. Ben, je pense qu'elle serait mieux d'aller dans un parti non corrompu, puis elle aurait plus de chance. Eh, hey, ah. Boy! Bon. Deuxième photo maintenant. Ah, ça, c'est pas un politicien, c'est Jean-Philippe Wauthier. Ah. Pas mal coquet. Il serait femme qui pourrait même pas être acceptée comme candidat à Québec solidaire. Vous pensez quoi de son look? Ben, écoutez, sérieusement, si je n'étais pas lesbienne. Excellente réponse. Troisième photo maintenant dans la catégorie homme mûr, Monsieur Raymond Bachand, toi. Ah ben là, hey. Monsieur Bachand, là, moi ce que je souhaite, là, ça serait de troquer son veston pour une salopette. Dans le fond, là, ça serait vraiment la meilleure façon de se comprendre. Quand t'es travailleur, t'as pas l'argent à payer. De la scolarité, une autre titre au Québec, une taxe santé, bon. Etc. Ça y bien. Bien envoyé. Et dernière photo dans la catégorie beau bonhomme, Jean-François Lisée. Vous en pensez quoi? Non, mais écoutez, moi, pinch ou pas, là, je porte pas de jugement, hein, mais par contre, j'ai pas besoin d'écrire du livre pour me rendre compte que le vrai changement à gauche, c'est Québec solidaire, pas le PQ. Belaye! Écoutez, moi, je vous aime tellement là, que j'ai même envie de vous chanter une petite chanson en terminant qui irait comme suit. Manon, vous me séduisez, je me fous de votre pilosité, y a personne pour me faire changer. C'est pour vous que je vais peut-être voter. Merci beaucoup, Mme Marcy, et bonne campagne. Merci. Bonne fin de journée à vous aussi. Voilà, c'est tout pour moi, Jean-Philippe. On se retrouve la semaine prochaine. Chose. C'est une bonne chose. C'est une bien bonne chose. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Merci infiniment. Hey boy. Fred, notre prochain invité. Le regard insolite qu'elle porte sur l'actualité nous oblige à penser que pour elle, lire les journaux, c'est comme prendre du LSD. Voici la chronique de Léa Strelitzky. Léa. Eh bien, Léa, je vous offre une bière. Il n'y a que de la rousse. Ouais. C'est correct? Oui, je vais t'en prendre une. Hein, pour toutes les femmes qui aimeraient prendre une bière avec toi, Jean-Philippe. Okay. Là, je pense que, en leur nom, je suis obligée d'accepter. Ben, en tout cas, il s'est rendu avec Manon Merci. Massé, en plus, dans le fil. Tu fais fort, toi, dans les sondages. Ben, c'est comme ça. Ah, mais justement, oui? Cette fille que je voudrais parler, moi, ce soir, les gars... On a beaucoup de gars ici, ce soir, on va le dire. Ben oui, je suis la seule fille en onde à cette émission. Vous le saviez, que j'étais une fille, les gars? Je vous apprends pas ça de même. Non, moi, non, je porte pas de jugement. Non. Puis j'en ferai pas un cas d'être une fille, là, sauf aujourd'hui, hein, parce que je trouve que l'actualité a été particulièrement généreuse envers nous dernièrement. C'est hein. vrai? Oui, fallait que j'en parle. Bon. okay. ouais, d'abord, il y a la Lune hein, qui a perdu son premier amant. Une qui? Première fusée, hein, ça marque toujours. Il okay. y a okay. eu l'horrible histoire de ouais. la fille qui s'est noyée dans sa robe de mariée. Ouais, ça, on fait pas de blague avec ça. Mais non, mais pour l'Empire féminin, c'est tout un symbole. Ouais. Y a les Pussy Riot aussi qui sont allés en prison, finalement. Ouais. Hein? Ben oui, 2 ans de prison hein, pour avoir sauvagement agressé des gens avec une chanson. des fidèles orthodoxes, plus orthodoxes d'ailleurs, hein, je te disais. Mais le gros du problème. Et il y en a deux qui sont sauvés. Ben oui! Elles se sont sauvées. Il y en a deux qui sont c'est, sauvées c'est, de Russie. Ouais. C'est, ouais, ouais, c'est ouais. brillant des femmes, des fois. Ben écoute, hein, c'est futé ces petites bêtes-là. Hein. c'est ça. Mais le gros du problème, là, ouais. le bal de l'absurdité, a bien sûr été lancé par ce fameux Todd Akin, hein, ce candidat républicain. Ouais, ben oui. Qui, pour défendre ses politiques pro-vie, a quand même dit que on pouvait être contre l'avortement jusqu'au bout, n'est-ce pas? Même en cas de viol, parce que de toute façon, lorsqu'une femme se fait violer, elle ne peut pas tomber enceinte, hein, ben, Jean-Philippe? Oui, donc, on salue toutes celles à qui c'est arrivé. je me suis si dit... c'est vrai! ouais, si c'est légitime, surtout. Mais ben, ouais. Là, je me suis dit, Jean-Philippe, techniquement, je pourrais arrêter ma chronique ici. Ben oui, faites donc ça, là, je vois non? pas vraiment comment ça va devenir plus insolite que ça, hein, cette affaire-là. Ben, je pense que ça vit tout seul, hein, ça n'a pas besoin de moi. En ouais. plus, dans les médias, ça a été un petit peu comme un coup de pied dans une fosse sceptique. Hein. Cette affaire-là, on n'aura pas peur des mots. Tout le caca est remonté à la surface. Ah, hein. ah ben oui. Puis là, on nage hein, de commentaire en commentaire sur notre anatomie. Surtout de votre part, hein, les gars. Ce que je trouve toujours un peu drôle. J'ai rien dit. Ben, mais non, mais c'est parce que, tu sais, nous, là, les femmes, là, on passe pas notre journée la plume à la main à essayer de légiférer sur vos parties. Là, ben non, corrigez, d'ailleurs, vous me corrigerez, M. Lisée, là, mais si Pauline accède au pouvoir, là, je pense pas qu'elle va légiférer sur les prostates, par exemple. C'est pas dans son plan, ça, hein? Ben, vous le savez, ils ont des agendas cachés. Agenda caché, peut-être. Ouais, ben mais, c'est ça, c'est exactement ça qu'on s'entend bien là-dessus. Vous, M. Bachand, je vous pose pas la question parce que j'ai beaucoup manifesté, moi, cette année. Je le sais bien que vous entendez pas quand je parle, fait que... Mais en tout cas, je vous regarde, là. Hey, j'espère hein, que Pauline, elle légiférera pas sur les prostates, parce que si ça vous tente de manifester, là, je vais la trouver drôle, par exemple. Hein? Si ça arrive, vous viendrez me voir. Hein? Je vous apprendrai tous les slogans. La loi spéciale. Ouais. ah, qu'est-ce qu'on s'amuse, hein? Ben ouais, mais hey, je savais pas que vous manifestiez. Hey. Je vous aurais pas invité, moi, honnêtement. Je suis très mal à l'aise. Hey, moi, je trouve qu'on s'amuse. Là, je vous chanterai presque une chanson, hein, les gars. Vraiment? L'amour revient de guerre, le cœur en bandoulière. Ah bon. Là, Jean-Philippe fait une drôle de face parce qu'il savait pas que j'allais chanter du Nathalie Simard en onde. Là. Mais j'ai un lien, Jean-Philippe, j'ai un lien. Oui, ben on relax. Le voit, là, mais je veux dire, on l'imagine. C'est le générique de la guerre des tucs. Ah! Okay? Ben oui. Puis la guerre des sexes, là, c'est un peu comme la guerre des tucs. C'est okay? vrai? Même quand le chien est mort, là, faut que ça se termine bien, cette affaire. Fait que faites un effort, puis lâchez-nous un peu, les gars. Sérieux, c'est ça, mon message. Ben oui, mon lâchez-nous, là. Jouez avec vos organes, OK? Pas les nôtres. À moins qu'on le demande, là, c'est correct. ben ouais, mais là... Sinon, c'est interdit, OK? OK! Puis on n'a pas Dieu. De dispositif anti-grossesse en cas de viol, OK? Non! Non, fait bon, que ben, on soyez le savait gentils, pas. On s'il le savait plaît. Pas! Regarde! Mais là, vous le savez, fait que nous... soyez gentils, s'il vous plaît. Nous les dites, ces choses-là, puis on les apprend. Voyons donc. Merci. Merci beaucoup! Merci beaucoup, Léa! Eh bien... C'est niaiseux de même, hein, mais c'est déjà tout pour ce soir. On vous invite à rester à l'écoute dans quelques minutes. C'est le cabaret de Plus on est de fous, plus on lit. Tout de suite après, c'est Bande à part, animé par Alexandre Courteau. Merci à toute l'équipe. Fred Savard, Olivier Niquette, Marie-Claude Bocage, Julie-Christine Parent, Jean Gagnon à la réalisation et le juteux Philippe Roberge à la console et à la musique. Et un immense merci à nos invités. Bonne chance pour la fin de la campagne électorale. Bonne chance évidemment à M. Lisée dans Rosemont, à M. Bachand dans Outremont. Mais honnêtement, les boys, je ne serais pas trop stressé dans vos comptes. Quant à nous, vous pouvez évidemment nous suivre sur Twitter.com à Twitter.com la soirée. Évidemment, nous réécouter grâce à notre balado disponible sur le site de Radio-Canada. Écrivez-nous pour assister à notre prochaine émission. Nos invités, Gilles Duceppe, Gabriel Nadeau-Dubois, ça devrait être assez bien, ça. Et ben, c'est Jean-Philippe Vautier qui vous parle et qui vous dit d'aller voter oui. le 4 septembre prochain. Merci.